بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter. فالسؤال الآن كيسبوز اساسانو بحث اليوم، هل نحكم على شخص مات وظاهره أنه مات على الكفر toute sa vie c'est un kafir ou une partie de sa vie c'est un kafir clair et on dit que c'est un kafir et il meurt et on n'a aucun dalil annahu il a fait tawba. فهذا الشخص est-ce qu'on peut dire il est fin nar par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi hafidhahu Allah ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فهذا البحث الذي وعدناكم به في الحكم على المعين بالجنة أو النار. أما ما يتعلق بالحكم على المعين بالجنة فقدم هذا، والخلاصة أنه لا يشهد لأحد بالجنة بعينه إلا ما جاء به الدليل، وهذا تقدم في درسنا في الطحاوية. واليوم surtout se consacrer à الحكم على المعين بالنار إذا مات على الكفر. كذلك هذه المسألة qu'on va étudier الآن elle concerne le kafir. On parle pas du mu'min. المؤمن لا يشهد له بالجنة إذا مات بعينه طقيا بالدليل، وكذلك من باب أولى لا يشهد له بالنار. صار مؤمن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ونخاف على هذا المؤمن. فنحن نتمسأل الآن avant la lire faut bien comprendre deux choses. On va parler du حكم على المعين. On va pas parler على العموم. On va parler d'une personne précise. S'il meurt, ça c'est le premier point. On va pas parler d'un groupe. On va pas parler à l'Yahoud, ou le Nasara, ou le Kuffar. Ceux-là, ils sont fin nar, mais les jumeaux. Alors, nous, on parle à l'Mu'ayyan. Ça c'est la première chose. Deuxième point, on va parler, comme on a dit, la mas'alat al-nar. Al-hukm ala al-Mu'ayyan. Et on va parler de Nar. On va pas parler de Jannah. Kadhalik, et c'est le troisième point, Anahu, on va parler du kafir. On va pas parler du mu'min. On va parler al-hukm ala al-kafir. Celui qui meurt ala al-kufr. Qala al-imam al-allama al-shaykh al-Uthaymin alayhi rahmatullah. Il va résumer, awwalan, ce qu'on vient de dire. بإذن الله أغنطر ديطاي في المسألة. قال رحمه الله وتنقسم الشهادة بالجنة أو بالنار إلى قسمين عامة وخاصة. Ça c'est ce qu'on a dit au départ. Le fait de témoigner بالجنة أو بالنار il y a deux cas. الشهادة العامة أي tu vises pas une personne en particulier. Là, tu parles d'un groupe. Maintenant, tu dis, les juifs, ils sont fil nar. Et tu dis, al-muslimoun, ils sont fil jannah. Ça, c'est une shahada, elle est amme. Hadi, elle est wadiha. On va pas détailler ce point. Qal wa khassa. C'est celle-là qui nous intéresse à l'yom. Aïe, une personne en particulier, fulan, al-yahoudi, il est mort. Est-ce qu'on peut dire, il est fil nar? Fulan, al-muslim, il est mort. Est-ce qu'on peut dire, il est fil jannah? Par rapport aux musulmans, al-jannah, on a détaillé ça dans le darf. Maintenant, on va se consacrer sur al-kafir. Qala Cheikh al-Uthaymeen, fal-amma, hiya mu'allaqa bil-wasf. N'am. Al-amma, li mu'allaqa bil-wasf, la bil-shakhs. Maintenant, tous ceux qui ont cette caractéristique, est-ce qu'ils vont finir? Maintenant, cette caractéristique, cette sifa, c'est dîn al-yahoud. فساء الشهادة العامة المتعلقة بالوصف. قال الشيخ ابن عثيمين مثل أن تشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة أو لكل كافر بأنه في النار. الآن الوصف الإيمان pour المؤمنون الكفر pour اليهود. فهذه الشهادة العامة المتعلقة بالوصف. قال قال أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سببا لدخول الجنة أو النار. هذا الشهادة العامة. أي الشارع في الكتاب والسنة قد كاركتيرستيك دو صفات دي زاسب كي مونتر أن تل جروب يسرى في الجنة تل جروب يسرى في النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الآن هنا حكم النار. كذلك هنا صفة النفاق. Celui qui meurt à l'annifaq l'akbar, il a fait d'arc l'asfali minannar, iyadam billah. Hada, ça c'est shahada am. On ne dira pas fulan ou allan, là. On laisse al-wasf et ça sera un groupe, ça ne sera pas une personne particulière. Qala, rahimahullah, wal khassa, hiya al-mu'allaqa bi shakhsin. مثل أن تشهد لشخص معين بأنه في الجنة أو لشخص معين بأنه في النار. Ça c'est la deuxième partie, الشهادة الخاصة, et c'est celle-là qu'on va détailler بإذن الله عز وجل. وهذا الكلام تقدم معنا في شرح لمعة الاعتقاد للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله. On l'a étudié معكم ولله الحمد والمنة. فالآن نغوي عن مسألة. Et t'as compris cette petite muqaddima et tu sais quel sujet on va traiter. Wahada c'est muhim ya jama'a. Avant de traiter un sujet, tu dois bien savoir de quel sujet on parle. Lianna at-talbis ahyanan il commence huna. Anna tu parles d'un sujet, rubbama celui qui t'écoute, il sait pas exactement de quoi tu parles. Fa rubbama ce que tu vas détailler anta, lui il va comprendre que c'est pour telle chose. Fa lihada dans mithl hadhihi al-buhuth al-muhimma al-mutaalliqa bil-aqidah. Il faut être clair au départ. Clair, tu cites des points, tu montres al-hukm, si il y a un hukm am et khas, et après tu montres à tes auditeurs qu'est-ce que tu vas détailler. Hatta hum l'an, ils sont concentrés sur un point précis et ils attendent le hukm et ils attendent l'adilla. Amma tu rentres mubashara rubbama ces masa'il, vous allez voir que le khilaf il est qawi jiddan bayna ahli al-ilm. Si t'es pas clair dès le départ, et à la fin du bahth, on a rajouté que des shubuhat. Et on a rendu le bahth encore plus difficile qu'au départ. S'il est maltraité. On a des bases et on sait de quoi on va parler. Le question qui se pose, et c'est ça notre bahth à l'yaw, hal nahkum ala shakhsin mata wa zahiruhu annahu mata ala al-kufr. Toute sa vie, c'est un kafir, ou une partie de sa vie, c'est un kafir clair, et on dit que c'est un kafir, et il meurt. Et on n'a aucun dalil annahu, il a fait tawba. Fahada shakhs, est-ce qu'on peut dire il est fin nar? Fahada, c'est ça notre bahth. Matalan, qabla sinin, mata ta'out al-nasara, le pape. Qabla sinin, il est mort, adou Allah. Fahal-an, le bahth se fait mitle hada. C'est pas un musulman, c'est pas une personne qui a des péchés là. Hada il est تحت مشيئة الله عز وجل. Nahnu la, l'an on est fait un kafir, واضح. Deuxième exemple, un yahoudi. Clair, un juif, معروف. عند الناس un yahoudi. Il se dit yahoudi, combat l'islam. On le déteste, il nous déteste. Il meurt. On n'a aucun délit, l'an c'est un musulman. Il est mort à la kufri. L'an, est-ce qu'on peut dire il est fin nar ام لا? Hada هو البحث. هذه المسألة كما on a dit, الخلاف فيها il est قوي. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا على قولي. Vous allez voir que العلماء ils ont divergé et ils ont deux avis في هذا. Et on va citer les أقوال et on va voir le point de divergence il est où. حتى بإذن الله avec les دليل les أدلة qu'on va citer on pourra savoir c'est quel avis qui est le plus proche du حق. القول الأول, le premier avis, يقولون أنه لا يحكم على أحد بعينه بجنة ولا نار إلا من حكم الله تعالى له بذلك. Ça c'est le premier قول. أنه ils ont fait une différence entre الشهادة العامة والخاصة. العامة pour eux نعم. Tu dis اليهود ils sont في النار. المسلمون ils sont في الجنة. هذا واضح. لكن الخاصة aïe, une personne en particulier, Fulan, Minan Nas, est-ce qu'on peut dire il est fil djennah? Là. Hada, on est d'accord. Est-ce qu'on peut dire il est finnar? Eux, al-an, le premier qawl, il ne différencie pas entre le Jannah et le Nar. Je ne peux pas dire, pour cet avis, anna fulan min al-nas, même s'il est mort ala al-kufr en apparence, anna hu il est finnar. Hada, c'est un qawl. Al-haqiqa, si tu analyses l'an ce qawl, tu verras que, comme on l'a dit, ils n'ont pas fait de différence pour le Jannah ou pour le Nar. Limada li anna al-jannah, tu sais pas il est mort sur quoi? Rubbama il a des péchés, rubbama Allah il le fait rentrer fin nar, rubbama il a mécru, on savait pas al-muhim. Ils se sont basés sur hada kadhalik al-kafir. Rubbama il a fait tawba, on savait pas, rubbama il était excusé par son ignorance, rubbama il avait une excuse quelconque al-muhim, ils se sont basés sur ça. Qala al-shaykh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Cheikh al-Fawzan, il fait partie des savants qu'on choisit ce qawl. Et on a cité, il y a beaucoup de savants, en fait. Hada al-qawl, ya. Ulama kathir. Cheikh ibn Baz, rahmatullah alayhi, il a choisi ce qawl. Cheikh ibn Uthaymin, kadhalik, il a choisi ce qawl. Cheikh l'Islam ibn Taymiyya, rahimahullah, il a beaucoup de qawl, beaucoup d'aqwal qui vont dans ce sens. Lakin, on a cité la parole de Cheikh al-Fawzan, lianna. L'étude qu'on fait de Tahawiyya, c'est avec son shorh. On connaît à peu près son avis, on l'a lu dans le shorh. Al-an, on va lire son qawl, hatta on connaît bien son avis, hafidahullah. Qala, idha mata ala al-kufr, wa inkar risalati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, fala shakka annahu min ahli an-nar. Hada awwalan. Al-haqiqa, la mas'ala, elle peut te paraître claire au début. Si la personne n'a pas des bases fil ilm et il n'a pas étudié le sujet, au départ, il peut penser que c'est simple. Un kafir, il est finna. Lakin, ta'ammal son kalam, comme il va être précis, et tu vas comprendre pourquoi cette mas'ala, les ulama, ils ont divergé beaucoup. Awwalan, qala Cheikh al-Fawzan, idha mata ala al-kufr wa inkar risalat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fala shakka annahu min ahli an-nar. Ce qawl, ils n'ont aucun doute. Anahu, si une personne quelconque il meurt à l'al-kufr, il est min ahlil-nar. Il n'y a aucun doute. On a beaucoup d'adillah dans le Coran et le Sunna. Anna, al-Yahoud, al-Nasara, al-Mushrikoun, ils sont finnar. Lakin, qala Cheikh al-Fawzan, lakin, man ladhi yadulluna ala hada. Al-an, il est là le khilaf. Cheikh al-Fawzan, al-an, il est d'accord avec l'autre avis. Anna celui qui meurt à l'al-kufr, il est finnar. Lakin Cheikh al-Fawzan al-an yaqul ma alladhi yadulluna ala hada. Al-an, c'est quoi qui va nous prouver annahu il est mort effectivement à l'al-kufr? Et hada Cheikh al-Fawzan al-an il va citer anna huna, cette personne en particulier, tu peux pas me prouver à 100% annahu il est mort à l'al-kufr. Fait Cheikh al-Fawzan huna il va dire cette personne, on dit pas il est finnar. Allah alam. أعلم بحاله. قال شيخ الفوزان هذا لازم من دليل من كتاب والسنة. شيخ الفوزان va dire si tu me dis qu'il est mort à الكفر, prouve le moi avec أدلة الكتاب والسنة. قال شيخ الفوزان لا يحكم بموته على الكفر إلا بدليل من الكتاب والسنة لأن هذا من علم الغيب. فهؤلاء, cette partie de savants, le premier قول qui disent tu peux pas dire أن فلان même s'il est mort à الكفر فلان بعينه أي فلان ابن فلان أنه في النار لأنه من أمور الغيب. Tu sais pas أنت. En apparence c'est un kafir et on applique l'ahkam الدنيوية par rapport à son kufr. Là on l'enterre pas avec musulmans, on le lave pas, on fait pas salat sur lui, on fait pas de dua. Ça c'est ce qu'on a. C'est un kafir. Lakin pour eux aller plus loin et dire il est في النار, ce qawl il s'arrête. Ils disent là. Allahu a'lam. لأن هذا من الأمور الغيبية. في الحقيقة القول إلى قوي. لا تظن أن سقول إذن بات أدلة. إيه لا بازي سر دي باز سوليد. لا. لأن هذا الآن سقوي. الآن سيد دموندي أدلة أنت على هذا. ربما لا تستطيع. لكن وزلمه أن القول الثاني كذلك. إذن دي أدلة. قال حفظه الله لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. ونحن لا نقطع لأحد بجنة أو نار إلا بدليل. من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الفوزان الآن il te conclut, il te montre comment on a fait avec Ahlil Jannah C'est un mu'min, il meurt. On fait salat sur lui, on fait dua, on l'enterre avec le muslimine. Est-ce qu'on dit les fils jannah là ? Malgré qu'il a les aspects d'un mu'min, et malgré qu'on a, on a appliqué ahkam, al-ahkam al-dunyawiyya, en tant que mu'min. Lakin al-hukm bil-jannah ou bil-nar, c'est une étape après. Falihada, Cheikh Fawzan al-An, il dit, comme le mu'min, on ne dit pas il est fil-jannah, kadhalik al-kafir, on applique ahkam al-kufr alay, lakin l'étape suivante, al-nar, Allahu a'lam. Vous avez compris, هذا القول. وأدلة علم الغيب كثيرة. أي أن العلم العلم الغيب خاص بالله عز وجل. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Ça c'est un dalil parmi leurs adillah. وهذا القول, comme on a dit, c'est قول جماعة من أهل العلم. Et on a cité certains savants. القول الثاني, le deuxième قول. يقولون أي أصحاب هذا القول يشهد بالنار على شخص ظاهره أنه مات على الكفر. هؤلاء الآن ils contredisent l'avis précédent. Ils disent si une personne il est mort على الكفر. Vous savez maintenant, nous tous ces ahkam qu'on parle, on ahkoum ala al-zahir. On ne rentre pas dans les cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala yatawalla al-sara'ir. Lakin ha'oula, ils ont un avis, si les morts en apparence ala al-kufr, on applique hukm al-nar en apparence kadhalik. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te tromper. Là. Lakin ha'oula al-an, yahkoumoun alayhi bil-kufr, ils disent c'est un kafir. Et ça implique que si c'est un kafir, il est finnard. Tout ça, c'est un hukm bil-zahir. Rubbama, tu te trompes. Rubbama, ashab hada al-qawl, ils savent hada. Anahu matalana yahoudi. Ils connaissent un yahoudi. Pendant des années, il est mort. Il vivait à l'al-yahoudi. Thumma, il meurt. Rubbama, une heure avant, une semaine avant, un jour avant, il était seul dans un endroit et il a fait tawba. Rubbama, haoula. Ils n'ont pas eu connaissance de هذا. Lakin eux, le hukm, il est à l'avahir. Et هذه l'ahkam, c'est min bab l'ijtihad. Ijtihadu. Et s'ils se sont trompés, l'amr, il est simple. Ça ne fera aucun mal à ce juif qui a fait tawba, fil haqiqa. Enfin, il faut bien comprendre cette mas'ala kadhalik. Ashab هذا القول, ils ont plusieurs adilla. Minha, قوله عز وجل, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أصحاب هذا القول ils vont utiliser مثل هذا الدليل, ils vont dire أن الله nous a montré أنه il pardonne tout sauf le shirk. Si on applique ce dalil sur ce juif مثلا qui est mort, c'est un mushrik, Allah il ne le pardonne pas. هذا تطبيقا للدليل. فالسي مر على هذا الحال اي الله سبحانه وتعالى lui a pas pardonné فإلى من أهل النار. C'est pour ça qu'on dit que c'est un kafir, c'est pour ça qu'on fait pas de dua pour lui, parce ça implique qu'il est في النار. كذلك من أدلتهم قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا سند للقول. Celui qui meurt على الشرك بالله عز وجل الله سبحانه وتعالى حرم عليه الجنة. Il lui reste un nom. Lakin, al-an, pour vous montrer l'ampleur du khilaf, ashab al-qawl al-awwal, ils vont dire na'am. Na'am, ça c'est wadih. Lakin, est-ce que tu peux me prouver que fulan min al-nas, il est mort à la shirk? Ils vont dire, tu sais pas ce qu'il a dans son cœur. Ashab al-qawl al-thani, ils vont répondre, nahnu nahkum bil-zahir. Si on fait une comparaison, al-an, ça va être quoi le qawl le plus qawi pour l'instant? Indaman. Si on applique les règles qu'on connaît, les adillah. Al-awwal, limada? Naam. Lakin, adillat al-umum, tu les appliques à al-mu'ayyan. Léanna, ashab al-qultan, il peut te répondre. Pourquoi tu fais pas de dua pour lui alors? Matalan, ce kafir qui est mort, pourquoi tu fais pas de dua pour lui? Pourquoi tu l'enterres pas avec les musulmans? Khalaj. Naam, ça c'est le qawl awwal. Lakin al-thani, ils vont dire tu t'es avancé pour dire que c'est un kafir. Belle, t'as appliqué des règles. Tu fais pas salat sur lui, tu fais pas dua pour lui. Indahum, ça va impliquer la suite. Si tu fais pas tout ça, c'est qu'il est finna. Lakin, on revient. Limada, c'est lequel le qawl le plus qawi par rapport aux règles qu'on connaît l'an. Indak. لماذا؟ نحن في الدنيا نحكم على ما نزل الله عز وجل عن الناس. أحسنت. الحقيقة القول الثاني بون لانستون إلي أقوى. لماذا؟ لأن الآن وزافي الحمد لله وزافي كومبخي سورة الخلاف. لكن الآن أصحاب القول الثاني حقيقة يزون لو دوسو. لماذا؟ لأن القول الثاني فون دير نحن نحكم على الظاهر. سي أن كافر. C'est toi qui ne peux pas prouver que c'est un musulman. Ce n'est pas nous qui devons prouver que c'est un musulman. Yahoudi, il meurt. Mathalan. Toute sa vie, c'est un kafir, un Yahoudi, il meurt. Mathalan, si on vient dialoguer avec Ashab al-Qawl Awwal, nous, on va dire, il est mort, il est finna. Eux, ils vont dire, là, dis pas, il est finna. On va dire, nous, on est à l'asl. C'est un kafir. Toi-même, tu reconnais que c'est un kafir. Tu ne fais pas salat sur lui. Tu ne l'enterres pas avec les musulmans. Enfin, en fait, nous, on est à l'asl. C'est toi qui dois nous prouver que c'est un musulman. Si tu n'arrives pas à nous prouver qu'il est mort à l'islam, on reste à la zahir, c'est un kafir et il est finna. Hada. Le haqiqa, le qawl thani, il est aqwa. Léana, tu restes à l'asl. Amma hum, le haqiqa, c'est des taqdirats. Le haqiqa, le qawl awwal, c'est possible ce qu'ils disent. Rubbama, n'aam, il a fait tawba. Lakin, tu ne peux pas le prouver, hada. On reste à l'asl. On reste à l'asl, c'est un kafir et il est finna. Faddal. نعم لكن نحن نتغيبون لماذا يدفرنسي entre أحكام الدنياوية والأخراوية الآن est-ce que le fait qu'il ne fait pas de dua pour lui il peut se tromper نعم خلاص comme nous on peut se tromper en disant il est finna lui aussi il peut se tromper pourquoi il ne le lave pas ربما c'était vraiment un musulman il ne l'a pas lavé c'est une erreur musulman il faut le laver il est sur un titre qui est fait نعم لكن نحن تكمبار avec cette مسألة لأن si tu t'es avancé dans une مسألة pourquoi tu t'avances pas dans la deuxième هذا فنحن مثلا si comme tu dis صحيح أن peut-être le خطأ nous on parle à l'أمور الأخراوية نحن on va sortir du sujet on va aller vers أحكام الدنيا on va te dire nous on a peut-être خطأ هنا فتوى t'as peut-être خطأ في أحكام الدنياوية في هذا الحال la meilleure solution c'est tu restes sur l'أصل كذلك je vous ai posé cette question à ce stade du Bahth pour voir si vous suivez. Lakin, vous allez voir que Al-Fasl, ça va être Qawl al-Rasul. On continue. Wa min adillat hadha al-Qawl kadhalik. Qawl al-Nabi alayhi salatu wassalam. Walladhi nafsi biyadih. Lam yasma' bi yahudiyun. Wala nasraniyun. ثم لم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار هذا الآن c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam il montre أن ما من يهودي وفي الحقيقة الآن ce de أدلة tu peux le comprendre من وجه العموم tous les juifs s'ils n'écoutent pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ils sont في النار كذلك الواحد منهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لم يسمع بي يهودي أي واحد ولا نصراني ثم لم يؤمن بي فالآن تعدي كوز إتان حكم لكوز سي عدم الإيمان أي كوى بو صلى الله عليه وسلم لحكم سي النار الحقيقة سو دليل للقوم لكن إلي با واضح واضح في المعين لأن أصحاب القول الأول يفون دير نعم ça c'est واضح nous on dit les Yahoud ou les Nasara ils sont finna lakin c'est quoi qui nous prouve que Fulani il est mort à la Yahoudia nous on va lui répondre à Ashab al-Qawl al-Thani al-Asl tu sais très bien que c'était un Yahoudi est-ce que tu as un dalil pour le faire basculer à autre chose là enfin on reste à l'Asl enfin c'est un Yahoudi comme on a appliqué les règles de Dunya à l'Zahir on applique Ahkam al-Akhir à l'Zahir et on a que ça من الأدلة كذلك ما أخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله عن الزهري عن سالم عن أبيه أي عبد الله بن عمر سالم سلفيز عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال الحديث إلى طويل ومختصر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. هذا الحديث كذلك رواه الإمام الطبراني في الكبير, كذلك الإمام مسلم إلى غبوختي يعني مثل هذا الحديث. هذا الحديث الآن si on arrive à prouver son authenticité, c'est le fasl fil mas'ala. Bien, le Nabi sallam yaqul si tu passes devant la tombe d'un mushrik, annonce-lui an-nar. الآن ça peut être un cimetière, il n'y a qu'une tombe. Ça peut être un juif qui vient d'enterrer il y a quelques heures, ou un chrétien, ou un mushrik. Le Nabi sallam قال فبشره بالنار. الآن هذا سنفصل المسألة. لكن هذا الحديث تكل ما فيه, لأن في الحقيقة الحديث يصبح صحيح واضح حقيقة سيصبح الحكم في المسألة, لكن الحديث فيه كلام. شيخ الألباني يقول وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون, وطرح ابن معين لمحمد بن أبي نعيم, ابن معين رحمه الله يحيى الإمام إلى تكلم في هذا الحديث خاصة par rapport à محمد بن أبي نعيم, لكن شيخ الألباني يقول لا يلتفت إليه, أي son جرح لا يلتفت إليه. لماذا؟ لأن الإمام أحمد وأبو حاتم إذا وثق هذا محمد بن أبي نعيم فسأغذي أن قاعد الجرح والتعديل, وشيخ الألباني إلى شوازي لقول دو أحمد وأبو حاتم. حقيقة المسألة الآن الدموند دي ديتاي أكثر, لكن نحن بيسيد اختصر. كذلك الحديث أعل بالإرسال, في حديث الحقيقة بعض العلماء أبو حاتم الرازي والإمام الدارقطني في أبو حاتم في كتابه العلل والدارقطني كذلك في كتابه العلل يزون ديمونتخي أن الحديث المرسل. الحقيقة الإمام الزهري c'est lui qui a cité ce kalam. Amma nahnu la chaîne de transmission qu'on a عند Ibn Majah عن الزهري عن سالم عن أبي كذلك بعضهم اللي رابورت عن عامر أو عمر بن سعد ابن أبي وقاص فسحديد يا خلاف بين أهل العلم, والذي يظهر سكيل الثابت. شيخ الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة on a pas cité tout son kalam, celui qui veut le lire il revient صحيحة عند الحديث. Il a cité des شواهد كثير, il a cité des شواهد كثيرة. والشيخ يحيى حفظه الله تعالى ils lui ont demandé كما في كنز الثمين عن الحديث et il a démontré les ثابت. ولو تكل ما فيه c'est pas chaque حديث يا إخوان أن العلماء يديز إلى مرسل أو إلى ضعف أنه خلاص لا يثبت, لا. Tu peux trouver un autre savant مثل الشيخ الألباني عليه رحمة الله, il fait un travail, il trouve des autres chaînes de transmission et il renforce le حديث. C'est le cas هنا والله تعالى أعلم. هذا الحديث الآن سندل القول حيثما مررت بقبر أو بقبر مشرك فبشره بالنار. Ça peut être une personne. Et tu dis, أبشرك بالنار. كما جاء في الحديث فبشره بالنار. Ça montre أن النبي صلى الله عليه وسلم il nous a montré لا نتوقف. Bien sûr, si le hadith est ثابت. لأنه revient à notre مسألة au départ, أصحاب القول الأول ils peuvent dire, mais pourquoi ce jugement? Il est mort à l'al-kufr, il est mort. Pourquoi on dirait an-nar amla? On a ce hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux appliquer cette sunna al-an, à chaque fois que tu passes vers une tombe d'un kafir, tubashirhu bin-nar. Walaw s'il est seul. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال بقبر مشرك. Ça peut être un ou plusieurs. هذا c'est un dalil qawl. Celui qui a une faïda, s'il lit ou il fait des recherches par rapport au hadith akthar, inshallah, il nous informe. قال كذلك من الأدلة قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. Et ce قول في الحقيقة c'est en présence de عمر et il y avait plusieurs صحابة. أبو بكر قال رضي الله عنه هذه المسألة كذلك ونختصر القصة لطويلة. La parole qu'on va lire, أبو بكر قال هذه وفد بزاخة من أسد وغطفان. هؤلاء étaient avec طليحة. طليحة c'est une personne كذاب comme مسيلمة. Il a prétendu des choses, il avait des suiveurs, c'est un kafir. Et ils ont combattu, Abu Bakr il les a combattus. Thumma, ils ont voulu un sulh avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Ils sont venus voir Abu Bakr. Abu Bakr il leur a posé des conditions. Par parmi ces conditions, vous admettez que nous, ceux qui sont morts parmi nous, ils sont à la khayr, incha'Allah ta'ala, et vos morts à vous, ils sont finnar. Ça montre qu'Anna Abu Bakr radiallahu anhu, il a témoigné qu'Anna Haoula, ils sont finnar. Quand il dit qu'il, c'est pas mu'ayyan, c'est pas une personne. Mais le jawab. Hein? كيف هذا؟ أي المعين c'est pas forcément un. لا المعين c'est pas forcément un. Dès qu'on dit le معين نحن أي tu sors من العموم. Ça peut être deux. مثلا pour vous rapprocher la مسألة. مثلا نحن depuis le début on donne des exemples un يهودي un نصراني. Ça peut être deux. Est-ce que si on dit deux on est toujours dans التعيين؟ نعم. العموم c'est que tu dis al يهود أي tous. Tous ils sont finnards, ça c'est le umum. Lakin si tu dis 2, 3 ou 5, tu es toujours fit ta'yin. Hakada, ash-shahada bil jannah. Maintenant tu dis, une personne nous dit, Muhammad il est mort shahid, ou Muhammad il est fil jannah. Ma tadri had. Si il nous dit, Muhammad est Abdul Aziz, est-ce que ça va changer quelque chose? Là c'est toujours du ta'yin. Tu ne sais pas pour Muhammad, tu ne sais pas pour Abdul Aziz. Fantabihu, ta'yin c'est pas forcément un. Amma si dit maintenant cette personne, al muslimoun ils sont fil jannah. Ça c'est du umum. On dit là, al muslimoun fil jannah. Fantabihu les hala. C'est pour ça que ashab al qawl tani ils prennent comme argument la parole d'Abu Bakr. Malgré qu'ils disent ta'yin. Là on a dit c'est ashab Tulayha al Asadi. Wa asl al qissa li fi sahih al Bukhari. Lakin Bukhari il n'a pas cité ces conditions. Fakadalik ba'd al ulama. Ils ont démontré que cette histoire fait un nazar. Mais Allah a l'âme stable. Al-Bukhari rahimahullah quand il اختصر في الصحيح خاصة الموقوفات. Quand il اختصر ça veut pas dire que c'est ضعيف. Probablement le bab qu'il avait il a cité cette histoire, probablement il cite que le shahid احيانا. Ça veut pas dire que al-qissa est ضعيفة là. Lakin لو on fait des recherches أكثر في القصة c'est أحسن. لكن نحن حقيقة البحث المختصر et on a cité ça pour renforcer les adillas d'auparavant. لكن حقيقة les adillas précédents ils suffisent pour هذا القول. الآن on a cité les deux قول avec des arguments pour chaque قول. الآن on cite à quoi l'ahl al-ilm. On a cité la parole de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله et tous ceux qui ont choisi cet avis, que ce soit Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, ils ont les mêmes arguments. Annahu c'est min umur al-ghayb et ce hukm il reste lillah azza wa jall. Nahnu on peut pas savoir, c'est ça leur qawl. Enfin, on ne va pas citer plusieurs qawl. واحد ça suffit. الآن on va citer des aqwal de l'autre avis. قال الشيخ صالح للشيخ حفظه الله ils ont posé la question هل يحكم على اليهودي المعين الذي مات على اليهودية أنه من أهل النار. Est-ce que si un juif il meurt on peut dire il est في النار s'il est mort على اليهودية. قال حفظه الله نعم يحكم على المعين الذي مات على اليهودية أو على النصرانية بأنه من أهل النار وهذا لأنه كافر أصلي. Cheikh Salih, l'an, il veut te montrer que c'est un kafir asli. Comment tu peux démontrer que c'est un kafir? T'appliques les règles de dunya que c'est un kafir et fil l'akhira tu dis là, ou tu t'arrêtes. Là, les anna, ça va ensemble, la haqiqa. Qala, wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam lama zara al-yahoudi al-ghulam wa qala lahu qul la ilaha illallah. Il va citer des autres adillas qu'on n'a pas cité. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ta'lamouna al-qissa. Il a rendu visite à cet enfant, Ghulam. Et il lui a fait da'wah. Qul la ilaha illallah. Al-an, cet enfant, c'est un yahoud. Cet enfant, qala faja'ala al-ghulam yanzur ila abih wa lam yaqulha. Cet enfant, au départ, il n'a pas répondu. Il a regardé son père. Son père, il lui a dit, ati' Aba al-Qasim. Obéis à Aba al-Qasim. Aïe, le prophète Mohammed, alayhi wa sallam. L'enfant, il a dit, ashhadu an la ilaha illallah. وأن محمدا رسول الله أي لمخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار أي الحمد لله الله il a fait que je suis une cause أي le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم cet enfant il a été sauvé من النار. C'est quoi وجه الاستدلال الآن لماذا الشيخ صالح يسيت ce حديث عندك لما قال هذا الكلام صالحة للشيخ حفظه الله يتمنط أن اليهود الأصل فيهم سيكيفون في النار سيدي كفار. Ce qui fait qu'ils ne vont pas finir, c'est si tu as une preuve qui les rend révélés l'islam. Al-An, cet enfant, on a une preuve, il a dit la ilaha illallah. On peut dire na'am, lui, il est mort, inshallah, il ne va pas finir. Amma, Al-An inverse la situation. Matalan, ce Yahoudi, il aurait dit là, je ne dis pas la ilaha illallah. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit alhamdulillah, alladhi anqadhahu min an-nar? Il n'aurait pas dit ça, donc il est finir. لأن الأصل سيمر إلى في النار سيصل أصل سيصل كافر سي tu veux prétendre le contraire t'es obligé de citer un délit هذا سيصل l'argument sur صالح الشيخ et il est قوي قال حفظه الله il a cité des autres أدلة ceux qu'on a cité il a cité حديث والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني إلى آخره il a cité كذلك حيثما مررت بقبر بقبر كافر فبشره بالنار هذا الحديث اللي في مسلم قال في صحيح مسلم كذلك إلى سيتي لفيرس دي القرآن إلى سيتي ثم قال وهذا لا يدخل في قول أهل السنة والجماعة لا نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في حق معين من أهل القبلة صحيح quand tu trouves في كتب العقيدة أنهم يدزون témoignent pas أن فلان يفي في الجنة أو في النار c'est في المسلم c'est pour ça que الإمام الطحاوي c'est quoi sa عبارة انظر هذا الكتاب لأن أحيانا العبارة يعني إشكال c'est pas clair في أهل القبلة on va voir الإمام الطحاوي قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم الآن الكلام اللي في أهل القبلة لأن يقول من أهل القبلة وعلى من مات منهم أي on fait الصلاة derrière chaque مسلم خاصة الأئمة les gouverneurs comme on avait expliqué كذلك si un مسلم meurt on fait الصلاة sur lui ثم قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار il parle des مسلمين الآن c'est pour ça قال منهم أحيانا أنت tu le lis t'as l'impression que c'est un لكن malgré ça il y a des savants de la sunna ils disent que c'est un que ça soit un kafir ou un muslim tu dis pas jenna ou nar لكن cette précision elle est طيبة أنت avec كلام من الطحاوي في المسلمين الآن قال حفظه الله هذا في حق معين من أهل القبلة أما من مات على كفره من اليهود والنصارى أو مات ونحن نعلم قال أنه يهودي أو نصراني فهذا كافر يشهد عليه بأنه من أهل النار ثم إلى غصة الحديث حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار ce كلام من تفريق شرح الطحاوية La cassette numéro 26. Haqiqa al-an, le kalam, ça devient de plus en plus clair. Le Nashir Salih al-an, il te cite des règles. Anna le asl fil kafir, c'est qu'il est fil nar. Et il s'est appuyé sur l'histoire de l'enfant. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré, anna cet enfant, il est sorti du asl. Il est sorti avec quoi ? Avec shahad. Il l'a prononcé. Anna al-an, maintenant, si on vient à appliquer sur le pape, c'est Adou Allah qui est mort. Il est mort à la kufr. On n'a aucun dalil annahu il a prononcé le shahada ou il est revenu à l'islam. Al-an, est-ce que mitla hada il meurt? On dit il est fil janna ou fil nar? La chaque on ne va pas dire fil janna. Baqiya fil nar, est-ce qu'on peut dire si on reste à l'asl? Naam. Léana ta de adilla anna le mushrik il est fil nar. La chaque anna le pape c'est un mushrik. Personne ne peut nous démontrer qu'il a fait tawba de son shirk ou que c'est un mouahid abadan. Il te reste la destination. إشكال قد يقول قائل لماذا فوفيت باسا بوغ المؤمن قد يقول قائل الآن المؤمن كذلك إلى موغ على التوحيد يفز الصلاة ربما إلى موغ بالجهاد فسا أمبليك سي تو في كوم أون أفي في أهل النار سا أمبليك إلى في الجنة قد يقول قائل كوم فوز أفي في بوغ أهل النار سا كافر أون أوكين بروف أون غيست سور الأصل إلى في النار كذلك المسلم للأصل سي كيفا في الجنة لماذا أون ديفيرونسي Et c'est là l'ishkal. Si on a compris ça, bi-idhnillah, ça sera plus clair. C'est quoi le farq? Inda. Nar. Ou le muslim? Ahsanda. Il y a une différence. C'est que le kafir, t'as qu'une destination pour lui. An-nar. On ne peut pas dire que le kafir il va aller une durée déterminée fil jannah après il va aller fil nar. Abadan. Il n'a qu'une destination. Fal hukm alayhi, c'est sur cette destination. T'as pas le choix. C'est un kafir, automatiquement, il ira fil nar. Al-an. معنى المسلم المسلم ربما إلى دي ذنوب ربما إذا في النار ما تدري أنت مثلا أنا مسلم الآن ماغو حديد الله إذا في الجنة ما تدري ربما سي ذنوب الله سبحانه وتعالى لي باردون با إي بو ألي في النار كونترامون كافر إي بو با ألي في الجنة أبدا نحن نقول أن مسلم كذي ذنوب فهذا الحال سابوسي العلماء أدير المسلم تتوقف تسبق الخير لكن سي ذنوب الله سبحانه وتعالى il est possible qu'il lui pardonne pas certaines choses et il va في النار هذا سان فرق مهم أما الكافر تاكو النار si t'es sûr qu'il est mort على الكفر ça implique la certitude sur le حكم صح أما المؤمن tu peux être sûr que c'est un مؤمن est-ce que ça implique la certitude qu'il va pas في النار لا ça peut être un مؤمن عاصي فانتبهوا لهذا الفرق ça va vous aider قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله كذلك وكان ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار سأسمع حكم الإمام الإمام الطحاوي الإمام ابن أبي العز سلوك يكسبك الطحاوية إمام خلنا ابن عربي سأمعين وأمثاله سكيل يغصب ابن السبعين توسرة من غلاة الصوفية أئمة وحدة الوجود والحلول سدي كفر هذه زنادقة الإمام ابن أبي العز إلى بدي الله أعلم الإمام أبو العز لا بدي صحيح سيد منافقون لكن النار لا إلى دي في الدرك الأسفلي سون بلو بافون دانفير هؤلاء لأن سي تخي بي أن ابن عربي لا في التوبة ولا أوكان دليل على هذا كذلك سي أون أوفغ سباب فشاك كافر كي مار أون بوغا بلو سافوار إسكي نمو على الكفر أم لا بوتيتر كي لا في التوبة لا أون غيست سوغ الأصل إي سولي كي بريتون شوز يفو أن دليل إي سي أون إيغور On précise, il peut avoir une erreur. S'il y a une erreur, ça ne lui fait aucun mal. L'Anna al-Ahkam, nous, par rapport au jugement, on reste à la dhahir. Hatta l'ulama, ils peuvent se tromper. Ils disent, Fulan, c'est un kafir, ou c'est un mubtadi. Ils peuvent se tromper. Lui, il a hakum à la dhahir, à ce qu'il avait. S'il se trompe, ça ne lui fait aucun mal. Le alam, il est à l'ajtihad, et la personne qui a été jugée, eh bien, idnillah, ça ne lui fera aucun mal. Il faut bien comprendre, on est dans des règles. On n'est pas dans des cas précis, on est dans des règles. Al-Mu'ayyan, si il est à l'al-Kufr, il est vinnar. Ça, c'est une règle. Ah, mais il peut avoir un cas précis, on s'est trompé. Matalan, il était ignorant. Matalan, il a fait tawba, personne ne le savait, il était dans l'endroit. Allahu alam bih. Hala bi'idhnillah, ce kalam, ça ne lui fera aucun mal, inshallah. Qala l'imam al-Nawawi, rahimahullah, fihi. Ah, il explique un hadith. Rubbama, le hadith qu'on a cité, fihi. Celui qui passe devant un qabr. Yundar, il y en a, je n'ai pas noté. Lakin, ce qui nous intéresse, c'est après, fi yanna man mat ala al kufr, fa huwa fi an-nar, wa la tanfa'uhu qarabat al muqarrabi. Kadhalik, l'imam al-Nawawi meurt, celui qui meurt fi al-kufr, ala al-kufr, il est fi an-nar. C'est pas wadih hadha fi al-mu'ayyan, lakin, on appuie avec al-kalam al-sabiq. Wa qala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah, wa qad ruwiya anna tawa'if minhum, ay alladhina mana'u az-zaka, ceux qu'Abu Bakr il a combattu. كانوا يقرون بالوجوب اي وجوب الزكاه parmi ceux qu'Abu Bakr l'a combattu il y a des personnes ils admettaient que zakat c'est obligatoire لكن ils avaient une choubha ils pensaient qu'avec la mort du prophète صلى الله عليه وسلم c'était fini parmi eux il y avait des munafiqs Abu Bakr il a combattu le jami' قال ومع هذا فسيره الخلفاء فيهم واحده وهي قتل مقاتليهم وسبي ضراريهم وغنيمه اموالهم والشهاده على قتلاهم بالنار Ça, c'est la qissa qu'on a citée de Abu Bakr. Qala Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Najdi rahimahullah, fata'ammal kalamahu fi takfir al-mu'ayyan. Awalan, al-an, il y a un takfir fi mu'ayyanin. Avec des personnes visées, précises, ils ont été rendus kuffar. Kadhalik, qal, wa shahada alayhi idha qutila binna, ayy al-mu'ayyan. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a des autres aqwal. Il a des aqwal, anna, en haqiqa, il penche le premier avis. Il penche au premier avis. Et ceux qui sont venus après lui, c'est Tafad ou même. Mais ce qui nous intéresse, l'un, c'est qu'à la Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdul Wahhab. Il montre que tu peux kaffar un mu'ayyan s'il y a des adillah. Bien sûr, ceux qui ont la compétence, l'ulama, ahlul ilm, كذلك, ça implique qu'il est vinnar. Al-Kalam, al-Durar, al-Saniya, al-Mujallad, al-Tasya. Kalam, al-Imam al-Nawawi, sharh muslim. Al-Imam al-Tahawi, on a dit sharh al-Tahawi. وقال الشيخ أبو محمد ربيع المدخلي وفقه الله قال ولا نقطع لأحد بجنة ولا نار On a cité ce kalam لأن il y a une précision par rapport à tout ce qu'on a cité depuis le début تأمل قال لأن هذا ليس إلا الله إلا لله عز وجل on dit à personne أنه il est fil janna ou fil nar. لأن ce حكم revient Allah عز وجل. قال إلا كفرا بواح. Ça c'est مهم. لماذا il a spécifié le كفر البواح؟ عندك. لماذا؟ نعم لكن لأنه on a des أدلة. Si une personne t'es sûr qu'il est mort à la kufr, applique les أدلة sur lui. Maintenant un juif, on est sûr qu'il est mort à l'Yahoudia. On n'a aucun délil qu'il a fait Tawbah. Donc on revient et reste sur la base. C'est un kafir. Enfin, on applique les adillas que c'est un kafir, il est filmé. Cheikh Rabi, avec ce calame, il va faire sortir une mas'ala importante. Qala Yahoudi, Nasrani, kafir, wadih, hada yuqal finnar. Celui-là, tu dis le finnar. Là, c'est clair. T'as des adillas min al-kitab ou al-sunnah. Hatta sahab qu'on l'a dit, c'est du umum. Le umum, il faut bien l'appliquer sur un mu'ayyan. Maintenant, t'as des adillas fi zaka. Il faut sortir le zakat, c'est du umum. Lakin, ce délit l'âme, tu l'appliques bien sur un mu'ayyan. Toi, tu sors la zakat et tu vas chercher un pauvre pour lui donner. Fa adillat al-âme, il faut bien les appliquer, ya jama'a. On finit après l'adhan, baqi qali. Fa hadha al-kalam, l'âme, il appuie sur un point, il y a une différence entre le kafir al-wadih et celui qu'on a un doute. Et ça, tayyib. هذا الآن سبب pareil. لماذا؟ لأن الكافر الواضح on reste sur l'asfou et on n'a aucun dalil qui prouve le contraire. On applique le jugement sur lui. أنه il est fil nar. لأن il a que cette destination et il y a le dalil et lui il a la cause, le kufr. بقي واحد on a un doute. فهذا نتوقف. حقيقة c'est pour ça que tu trouves أن القول الثاني il est وسط. Avec le kafir l'asli t'as un hukm. Avec le mu'min d'un hukm. Avec celui que t'as un doute, même si c'est un kafir lakin on a des rumeurs, des doutes comme quoi il est rentré vers l'islam. هذا في الحقيقة الورع نتوقف. كما حصل on avait expliqué في أيام quand ils ont tué Saddam ou certains أحيانا يا واحد il est mort, il y a des doutes. واحد il dit lakin il a dit الشهادة, il était parti une fois à la mosquée. On a un doute. ولو c'est un kafir في هذا الحال on dit الله أعلم. قال نقطع بأن الكافر في النار أما المؤمن العاصي أو المطيع لا نحكم لأحد بجنة ولا نار هذا أما المؤمن والعاصي فلا شك on dit pas il est في النار on dit pas que d'aller il est في الجنة لأن ses péchés ربما الله il le châtie لكن مثل هذا الحال on a des أدلة on dit الله أعلم on espère pour lui الجنة cette différence elle est طيبة لأن الكفار ils sont pas tous au même niveau كافر أو on sait qu'un كافر مثلا il vivait dans un endroit ربما الحجة ما بلغته ونادي أدلة في هذا العذر بالجهل قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كافر il est dans un endroit dans une contrée il n'y a personne il est tout seul ربما on le trouve mort et on ne sait pas trop est-ce que الحجة بلغته non dit الله علم الله علم أما واحد مثل le pape ou un Yahoudi combat l'islam toute sa vie tout le monde il est fin quand il est mort le mujrim هذا le pape des coptes fait Misr. Masmo. Est-ce que j'ai noté Chanouda ou Hakada. Qala Cheikh Rabi' law lam yakun Chanouda. Kanahu il s'appelle Hakada. Vous rappelez il y a deux ans ou trois ans Wahed il est mort. Ma'rouf. Il est mort fait Misr. C'est le pape. Il y a le pape de l'église là. Le pape des autres. Les chrétiens ils sont divisés entre eux. Hada c'est le pape des coptes. Il est mort Adouallah. Qala Cheikh Rabi' law lam yakun Chanouda. Al kafir fin nar fa man fin nar. هذا سواء واضح il faut différencier après هذا il combat l'islam toute sa vie il combat un kafir c'est un mujrim et avec un autre qui a des doutes ou on a des rumeurs il y a une différence فلهذا الذي يظهر في القول il est أقوى et il est أقرب والله تعالى أعلم أما مسألة pourquoi le mu'min on n'a pas dit qu'il est fil jannah تقدمت on a dit أنه c'est dunub et lui le mu'min même si c'est un mu'min Allah il peut le châtier il va fil nar إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تحت المشيئة. Vu qu'il est tahl mashi'a, on ne sait pas est-ce qu'il rentrera directement dans le jannah ou il peut se faire châtier dans le nar. Et هذا الحال نتوقف. يلا on a des adillah. أما الكافر on a aucun دليل على هذا. خلاصة البحث. أولا on différencie bien entre العموم والخصوص. الشهادة العامة والخاصة. فالكفار ils sont في النار et les مؤمنون ils sont في الجنة. Il n'y a pas de khilaf fi hada. Thumma notre mas'ala al-mu'ayyan, on différencie bien entre al-mu'min wal kafir. Al-mu'min, il meurt, il est tahta al-mashi'a. S'il a des dounou. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kadhalik, on a des adillah. Anna al-kafir il est fin nar. قول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني إلا ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. كذلك القصة avec l'enfant. القصة avec l'enfant elle est طيبة هنا لأنها montre أن الأصل c'est que le kafir va في النار. Sauf si une chose qui montre qui fait tawba. إما شهادة إما ils l'ont vu au masjid مثلا إما une chose هكذا. Ça prouve au moins on sort du asl. إما on a un doute ou on est sûr. Si on est sûr, falhamdulillah, il y a l'ahkam al-mu'minin. Si on a des doutes, ne t'awakaf. هذا سنسخ خلاصة هذا البحث. أما قول أصحاب القول الأول الحقيقة لأدلة قول ثاني sont أقوى والله تعالى أعلم. ننبه avant de conclure, avant de finir هذا أن استمسألة كما ترى وكما سمعت لخلافها إلى قوي فلا ينكر على المخالف. Tu parles avec un frère, مثلا أنت تلافي القول الثاني هو إلى لافي القول الأول. الأمر إلي واسع. Les ulama اختلفوا et tu vois que c'est pas simple dans des il y a des points ils sont pas évidents. Haqiqa al mas'ala elle demande un bahth pour bien que tu sois à la yaqin. Si une personne est khalaf al amr il est wasi. Ça c'est des masail ijtihadiyya et ça fait aucun mal. Ils disent il est fi nar ou il est pas fi nar, al amr il est wasi. Lakin nahnu on a étudié cette masala par rapport à ce qu'on a vu dans Tahawiyya, hatta on est sûr. Maintenant on sait que qawl le Cheikh al-Fawzan qu'on a lu il est marjouh. مرجوح أي لوت قول إلى أرجح منه إلى plus proche du حق كل قول كلا سيتي شيخ الفوزان et on critique pas celui qui خالف في هذا خاصة العلماء c'est des مجتهدون إلى أجر et celui qui a raison إن شاء الله إلى deux أجر كذلك ça nous montre l'étude qu'on a fait ça nous montre أخي الكريم quand tu parles d'un sujet خاصة في العقيدة des sujets importants هكذا يا أخي étudie le sujet tu vois نحن après l'étude الآن c'est beaucoup plus clair. Même si Ba'al Ikhwan, Matalan, ce n'est pas encore tout à fait à 100%, il a compris, ça, avec le temps, ça viendra. Lakin, ce genre de masaïl, ça ne se discute pas au coin d'une rue. Au coin d'une rue, ni livre, ni recherche, ni rien. Non, moi je dis qu'il est vinna. L'autre, il dit pourquoi tu dis ça? Tu connais le ghaïb? Khalas, ça part. Hada, il se dispute avec Hada, Rubbama, ça finit Hajr. Là, ces masaïl, tu les étudies. Si tu n'as pas la Qudra, un ta demande. Demande, fais tes recherches. Si tu ne peux pas, fais-le. Ça ne te fera aucun mal. Cette étude, Inch'Allah, ça nous montre que certains masaïl, ce n'est pas comme ça. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من النار وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا بحث في حديث ابن عمر والسعد بن أبي وقاص الذي تقدم معنا في الكلمة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. On avait dit في الكلمة أخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله عن الزهري عن سالم عن أبيه سالم بن عمر أو سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر ثم ونسيت الحديث ثم قلنا رواه كذلك الطبراني في الكبير إلى آخر ونسيت الأقوال للإمام الألباني قال الإمام الألباني رحمه الله وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون وطرح ابن معين لمحمد بن أبي نعيم لا يلتفت إليه وبعد توثيق أحمد وأبي حاتم إلى آخر كلام من الصحيحة ثم هنا بيكونكلو أن هذا الحديث أعل بالإرسال أو هنا بالسيتي هذا أن الحديث أعل بالإرسال وممن أعله الإمامان الإمام أبو حاتم الرازي في العلل والإمام الدارقطني في العلل كذلك كتابه العلل هذا سنسكون أبيلو في الكلمة يونا فين إشارة أن في الحقيقة هذا يحتاج إلى بحث أكثر لأن الآن يا خلاف بين أهل العلم الحمد لله aujourd'hui on a fait cette recherche on a fini cette recherche فنقرأها عليكم هذا الحديث حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار له طرق إلى plusieurs chaînes de transmission أولا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه الإمام البزار في مسنده وابن السني في عمل اليوم والليلة والضياء المقدسي في المختارة وآخرون من طريق زيد بن أخزم توصل الآن الإمام البزار وابن السني والضياء المقدسي d'autres ils ont rapporté le hadith من طريق زيد بن أخزم ومحمد بن عثمان بن مخلد هذا في البزار فقط في مسند البزار محمد بن عثمان كلاهما أي لدو زيد ومحمد عن يزيد بن هارون الآن c'est la première chaîne de transmission. On verra la suite après Yazid ibn Harun. لكن ce qui nous intéresse الآن c'est le début. كذلك أخرجه الإمام البيهقي في دلائل النبوة من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين. الآن on a طريق زيد ابن أخزم. On a طريق محمد بن عثمان ابن مخلد. Les deux l'ont rapporté عن يزيد ابن هارون. الآن on a une autre طريقة طريقة أبي نعيم الفضل بن دكين معروف من رجال البخاري سنة ثقة وأخرجه الطبراني من طريق محمد ابن أبي نعيم الواسطي كتخيم محمد ابن أبي نعيم الواسطي وذكر الدارقطني بالعلل أن الوليد بن عطاء ابن الأغر يرويه أيضا نعم كذلك الوليد بن عطاء فهؤلاء الآن يزيد بن هارون وأبو نعيم الفضل بن دكين ومحمد ابن أبي نعيم الواسطي والوليد بن عطاء كلهم يرون الحديث عن إبراهيم بن سعد. La première chaîne de transmission qu'on a citée, زيد بن أخزم ومحمد بن عثمان, il le rapporte عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون سائما. يزيد بن هارون il le rapporte عن إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد عن الإمام الزهري بن شهاب. الإمام الزهري عن عامر. Le fils de Sa'd ibn Abi Waqqas. Amr, il le rapporte de son père, Sa'd ibn Abi Waqqas. Thumma, le prophète sallam قال, حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. Ça, c'est une chaîne de transmission, elle va jusqu'à Sa'd ibn Abi Waqqas. Et cette chaîne de transmission, ils ont tous rapporté le hadith à Ibrahim ibn Sa'd. Ceux qui ont rapporté ce hadith à Ibrahim ibn Sa'd, ils sont quatre. C'est des imams, c'est des thiqas. Yazid ibn Harun, أبو نعيم الفضل بن دكين محمد بن أبي نعيم الواسطي والوليد ابن عطاء ابن الأغر. Ça c'est la première chaîne de transmission عن سعد بن أبي وقاص. On verra après est-ce que c'est صحيح ام لا les détails. الآن أولا في البحث nous on cite les chaînes de transmission. هكذا dès que tu recherches un hadith أنت. Quand tu fais la recherche d'un hadith, أولا تجمع الطرق. Tu rassembles les طرق. لأن ربما cette tariq est une faiblesse, on va trouver un deuxième isnad ou un hadith, un deuxième sahabi, et ça complétera, ça renforcera le premier sanad. ففي بحث الحديث أنت تغصب الطرق. الآن on a tariqa de Sa'd ibn Abi Waqqas et on a plusieurs imams qui rapportent عن Ibrahim ibn Sa'd. كذلك ce hadith il est rapporté عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث أخرجه ابن ماجه سأل الحديث كنا ستين نحن في الكلمة أخرجه ابن ماجه قال حدثنا محمد بن إسماعيل البختري قال حدثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أي لا ستين الحديث دوزيام شان دو ترانسميسيون عن ابن عمر تأمل Cette chaîne de transmission kadhalik, ça passe par Yazid ibn Harun. Yazid ibn Harun, Ibrahim ibn Sa'd, Al-Imam al-Zuhri, Al-An, c'est la même chose que la première chaîne de transmission. Illa ya khilaf, Al-Imam al-Zuhri rapporte An Salim, le fils d'Ibn Umar. Et Salim, il rapporte de son père. Amma la première, Ibrahim, il rapporte de Amir, le fils de Sa'd ibn Abi Waqqas, et Amir, il rapporte de son père. Al-An, t'as un khilaf. Chaîne de transmission, c'est la même personne. Et après l'imam al-Zuhri, ça change. On verra ça. Ça, c'est important. Le kalam, on va requin sur ça. Ce khilaf, après Yazid ibn Harun. كذلك, le hadith, il a été rapporté mursalan. Akhrajahu ma'mar, fi jami'i an al-Zuhri mursalan. كذلك الإمام عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه إلا سورتي عن معمر كذلك مرسلا عن الزهري. المرسل معروف مرسل الزهري الآن أبخي الزهري يا بخسن يغبق ديركتمو عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمعمر ثاني ما السنة يغبق حديث عن الإمام الزهري. الإمام الزهري رحمه الله يديق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. وتعلمون ادخل الإمام الزهري إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا دي جينيراسيون يا شال يا لا جينيراسيون دي زافو دي صحابة يا للصحابة ثم يا النبي عليه الصلاة والسلام. فيا دو أو تخوا جينيراسيون ادخل وي النبي عليه الصلاة والسلام. سسابيل المرسل سسابيل المرسل تقدم معنا في البيقونية وفي غيرها. الآن سو حديث هنا دي طرق عن سعد ابن أبي وقاص هنا طريق عن ابن عمر هنا المرسل مرسل الزهري. الآن الحديث سيساسي شن دي ترانسميسيون. الآن ننظر في صحة هذه الطرق. أولا وغبيان الاختلاف على يزيد بن هارون. الحديث ونادي رواه زيد بن أخزم ومحمد بن عثمان بن مخلد عنه أي عن يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر عن أبي عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. كذلك الحديث ونادي رواه محمد بن إسماعيل البختري أي طريق بن ماجه عن يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. هنا الآن يا خلاف يزيد بن هارون ضرب خميق طريق اللي غبقت عن إبراهيم عن الزهري عن عامر عن سعد إلى دوزيام اللي غبقت عن إبراهيم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. الترجيح الآن سلاكل دي دو طريق كصحيحة أو سلاكل كبا صحيحة. هنا تي اوبليجي دو فير ان ترجيح بو رابور ا سو كي رابورت عن يزيد لان يزيد بن هارون سان امام سان ثقه لا اوكا بروبليم الي معروف. لكن سولوي كي رابورتي افون يزيد مره يسيت طريقه عامر مره يسيت طريقه سالم اي الامام الزهري رابورت عن عامر اي دون لو طريق الامام الزهري رابورت عن ابن عمر الوغ كو الحديث الى ان طريق. الترجيح هنا الى سهل لأن رواية زيد بن أخزم وهو ثقة حافظ كذلك محمد بن عثمان بن مخلد أي صدوق الباس أفو رواية هذا البختري. البختري ببغابلي سيسولوي كنا سيتي في طريق ابن ماجه قال حدثنا محمد بن إسماعيل البختري قال حدثنا يزيد بن هارون. فيزيد بن هارون إلى بلوزيور رابورتور qui rapporte ce hadith عنه. D'un côté, tu as Ibn Akhzab, tu as Mohammed Ibn Uthman, et d'un autre côté, tu as Al-Bakhtari. Là, chaque on fait passer la riwaya des deux autres. Ils sont plus, et Ibn Akhzab, c'est un hafiz, c'est un thiqa. Il passe avant Al-Bakhtari. كذلك, l'imam al-hafiz, al-thiqa, أبو نعيم الفضل بن ذكي ومحمد بن أبي نعيم الواسطي والوليد بن عطاء بن الأغر كلهم رووا عن إبراهيم بن سعد عن الزهري بمثل ما روى زيد بن أخزم ومحمد بن عثمان عن يزيد بن هارون. كذلك لكتر كنا في السيتي وديبا الفضل بن ذكي ومحمد بن أبي نعيم والوليد بن عطاء تس إذو غبقت الحديث عن إبراهيم عن الزهري عن عامر لمن طريقة يزيد بن هارون. لكن يزيد بن هارون يا خلاف الآن تتخوى الشن دو ترانسميسيون الفضل بن ذكي ابن أبي نعيم الوليد لتخوى يغبقت عن يزيد بن هارون يزيد بن هارون يغبقت عن الزهري الزهري عن عامر عن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام لتخوى يزيد بن هارون يا خلاف محمد ابن اسماعيل البختري يدي كيزيد بن هارون اللي غبقت عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. دو زوتر ابن اخزم من الاخر ومحمد بن عثمان لي دو يغبقت كذلك يزيد بن هارون عن الزهري عن عامر عن سعد. فستو طريقه الغجمه لا طريقه دي 3 زوت الحقيقه ترى 4 الان اي تا ان اوتر عند ابن ماجه يغبقت هذه الطريقه la chèque que tu vas faire passer ces quatre, khassatan fihim al-Fadl ibn Dukayn, c'est un imam. Khassatan fihim ibn Akhzam, an Yazid ibn Harun, kadhalik, c'est un thiqa, c'est un hafid. Toutes ces turuq, elles passent avant, tariqat Muhammad ibn Ismail al-Bakhtari. Tu conclues tout ça, elle n'a pour l'instant le hadith. Pour l'instant, il est sahih, An Sa'd ibn Abi Waqqas. Mais hadith ibn Omar, il est daïf. Ça te montre, quand on a fait le kalima, et on a rapporté le hadith, An ibn Omar. Et à la fin, on a dit, on a cité la parole de l'imam al-Albani. Alors que la parole de l'imam al-Albani, rahimahullah, elle est dans le hadith Sa'd ibn Abi Waqqas. Elle n'est pas dans le hadith ibn Omar. Ah, c'est une correction, là. C'est le même hadith. Nous, maintenant, on parle, est-ce que c'est ibn Omar qui le rapporte ou Sa'd ibn Abi Waqqas? Maintenant, on est dans le même hadith. Maintenant, on arrive à un stade de la recherche, là, un hadith ibn Omar, il est daïf. Léana Yazid ibn Haroun, il l'a rapporté à l'imam al-Zuhri, à Amir, à Sa'd. أما طريقة ابن عمر محمد بن اسماعيل البختري لا خالف لزوط الحديث إلى ضعيف pour l'instant طريقة سعد بن أبي وقاص elle passe avant la طريقة ابن عمر et nous on avait cité la parole de l'imam al-Albani comme on a dit et on a cité avant la parole de l'imam al-Albani le hadith ibn Omar كأن la parole de l'imam al-Albani c'était pour hadith ibn Omar هذا لا la parole de l'imam al-Albani رحمه الله c'est pour le hadith de سعد بن أبي وقاص قال الإمام الألباني رحمه الله نقرا كلامه الان قال الحديث رواه الطبراني فقال حدثنا علي ابن عبد العزيز قال انبانا محمد بن ابي نعيم الواسطي vous rappelez de محمد بن ابي نعيم الواسطي c'est un des rapporteurs qui a rapporté le hadith عن ابراهيم بن سعد lui يزيد بن هارون الفضل بن دكين les quatre qu'on avait cité الان شيخ الالباني il cite la chaîne de transmission d'un des quatre قال أنبأنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر عن أبي سعد بن أبي وقاص قال الشيخ الألباني وهذا سند صحيح إلى السيتي سويسنات أيدي رحمه الله إذن صحيح قال رجاله كلهم ثقات معروفون وطرح ابن معين لمحمد بن أبي نعيم الواسطي لا يلتفت إليه ستو كلمة كنا في السيتي دون الدرس نحن On avait rapporté, on avait résumé Kalam Cheikh Al-Albani, on avait cité Hada. Lakin, tu sais, cette parole, elle est pour Hadith Sa'd. Sa'd ibn Abi Waqqas, elle n'est pas pour Hadith ibn Omar. Qala wa tarh ibn Ma'in li Muhammad ibn Abi Nu'aym al-Wasiti la yultafat ilay. Wa ba'd tawthiq Ahmad wa Abi Hatim ilay. La siyama wa qad tubi' bi isnadi. Il y a un autre ishkal Hada Muhammad ibn Abi Nu'aym al-Wasiti. Certains imams ils l'ont critiqué. Minhum Yahya ibn Ma'in, rahimahullah. Awalan Cheikh Al-Albani, il te dit la la taltafit ila hada. Limadha li anna l'imam Ahmad wa Abu Hatim kadhalik ils ont wathaq Muhammad hada. Muhammad ibn Abi Nu'aym al-Wasiti. Na'am. الآن سأبلغ يحيى بن معين رحمه الله وتخوف أن جرح مفسر لماذا إلا كريتيك وإلا il y a des autres imams ils ont fait les éloges de ce rapporteur كذلك الشيخ الألماني رحمه الله يقول لا سيما وقد توبع نحن ميم سي اون دي ان هذا اللي ضعيف اي محمد بن ابي نعيم سي اون كونكلو اون دي نعم يحيى بن معين لا raison il est ضعيف il y a des autres rapporteurs il est appuyé par d'autres الفضل بن دكين on les répète نعم الفضل بن دكين ويزيد بن هارون والوليد بن عطاء بن الاخر il le renforce ولو celui il est ضعيف هذا فبور لانستون القول سقول الامام الالباني رحمه الله ان الحديث بور لانستون يفض عله الحديث بور لانستون اذا صحيح تو الان لا شين توت لا شين ترانسميسيون الان سي ثقه سي اون لا ريفي لا شين دو ترانسميسيون اخرجه البزار وابن السني ونادي من طريقه زيد بن اخزم ومحمد بن مخلد عن يزيد بن هارون زيد بن اخزم الان ونادي سان ثقه محمد بن عتبه اللي صدوق il est renforcé par Zayd. Il n'y a aucun problème sur ce tabaka. Yazid ibn Harun, c'est un thiqa, il est ma'rouf. Dans ce tabaka de Yazid ibn Harun, ils sont quatre. Yazid ibn Harun, Al-Fadl ibn Dukayn, min Rijal Bukhari, il n'y a aucun problème. Muhammad ibn Abi Nu'aym al-Wasiti, il y a un khilaf. Yahya ibn Ma'in, il a parlé sur lui, l'imam Ahmed, il l'a wathaq. Même s'il a une faiblesse, il est renforcé par les autres. Kadhalik, dans ce tabaka, dans ce niveau, on a Al-Walid ibn Ata ibn al-Aghr, wathaqahu l'imam Darakut. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Thumma, après eux, les quatre qu'on a cités, il y a l'imam Zuhri. L'imam Zuhri, c'est un imam. Thumma, ثم t'as le fils de Saad ibn Abi Waqqas, Amir, ثم t'as Sahabi. Par la chaîne de transmission, le un vahir oise le Sahih. قال الشيخ الألباني قال لا سيما وقد توبع بإسناده أخرجه الضياء المختار من طريقين عن زيد بن أخزم قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي هذا محمد بن أبي نعيم توبع يزيد بن هارون قال وزيد بن أخزم ثقة حافظ وكذلك شيخه يزيد بن هارون فهي متابعة قوية لابن أبي نعيم الواسطي الشيخ الألباني هو مخكيقي ركز شو Ce point dans l'isnad. Lianna Sheikh Al-Albani, il sait que certains imams ils ont critiqué هذا الواسطي. Sheikh Al-Albani, il leur a montré est-ce qu'il est faible, il y a un khilaf. Et deuxièmement, même si on dit qu'il est faible, il y a des autres rapporteurs qui le renforcent. الشيخ الألباني رحمه الله بعد هذا قال لكن قد خلف زيد بن أخزم في إسناده فقال ابن ماجه حدثنا محمد بن إسماعيل البختري قال حدثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم عن سعد عن الزهري عن سالم عن أبي الشيخ الألباني يسيت له خلاف كنا سيدنا يدي لكن ينخلاف par rapport à certains ils l'ont rapporté عن يزيد بن هارون عن إبراهيم عن سعد أو عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبي أي حديث ابن عمر السقطين اللي رابطه من طريقة الزهري كذلك عن عامر عن أبي أي سعد بن أبي وقاص الشيخ الألباني سيت له خلاف قرآن سيدي ثم يقول وهذا ظاهره الصحة لكن قال الذهبي فيه لكن غلطة ضخمة حتى الإمام الذهبي مو دخلنا ست طريقة لألي بابل طريقة سالم عن أبيه سيبا المحفوظة قال الألباني رحمه الله فالظاهر أنه أخطأ وإسناد هذا الحديث أيضا فقال فيه عن سالم عن أبيه والصواب عن عامر بن سعد عن أبيه كما في رواية ابن أخزم وغيره فالصحيح سك يزيد بن هارون اللي غبقت عن الإمام الزهري أو عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعد عن عامر عن سعد هذا الصحيح الصحيح حديث سعد بن أبي وقاص أما حديث ابن عمر حتى شغل الألباني للضعف هذا واضح tout الآن ça peut être compliqué pour certains frères خاصة ceux qui n'ont pas étudié شيء من مبادئ علوم الحديث لكن la conclusion الآن أن الطريق روي عن ابن عمر وعن سعد بن أبي وقاص ابن عمر حديثه ضعيف لأن إسماعيل البختري يسفي خالف اللي خالف دي زمام يسون بلس كلوي ويسون بلس ضعيف كلوي لا شك يباس أبون فطريقة سعد بن أبي وقاص الباس أفون سعد بن عمر pour l'instant on est arrivé à ce point الآن الحقيقة tout le خلاف qu'on vient de citer on n'a pas parlé est-ce que le hadith il est صحيح أو أم ضعيف en lui-même là on a رجح une طريقة sur une autre طريق سعد بن أبي وقاص يبصم حديث ابن عمر هذا بولنستر لكن الشيخ الألماني رحمه الله يساغته الإسي أي لا كونكلو رحمه الله أن الحديث صحيح عن سعد بن أبي وقاص لكن avec les recherches tu trouves qu'il y a un autre problème في الإسناد que الشيخ الألماني رحمه الله لعله une cause de temps où il a pensé que le problème il était qu'au niveau qu'il a cité أي محمد ابن أبي نعيم الواسطي il a répondu فلعله il s'est arrêté هنا رحمه الله et il a conclu الحديث الصحيح عن سعد et رحمه الله il a montré un hadith ابن عمر il est ضعيف فالشيخ الألماني الآن il a conclu أن le hadith الصحيح عن سعد لكن si tu viens à étudier l'isnad tu verras qu'il y a un autre problème ça te montre que le muhaddith il ne peut pas te voir il n'a pas le temps pour tout Cheikh Al-Albani rahimahullah il a étudié des milliers de hadiths des milliers de chaînes de transmission il n'a pas le temps pour tout rahimahullah alors il y a des choses elles peuvent lui passer sous le nez c'est un être humain ben, nous, là, avec des recherches tu t'aperçois il y a un autre problème في طبقة الإسناد أي un autre niveau du إسناد il y a un problème وهو الاختلاف على الإمام الزهري il y a un اختلاف sur l'imam الزهري certains ils le rapportent عن الزهري on a dit عن عامر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي موصول certains ils le rapportent هكذا c'est cette طريقة que Cheikh Al-Albani il a dit صحيحة d'autres il le rapporte an Ma'mar. La première, c'était an Ibrahim ibn Sa'd, an Az-Zuhri. La deuxième, chaîne de transmission, an Ma'mar, an Az-Zuhri. Az-Zuhri le rapporte directement à Nabi sallam. Mursalam. Al-Ant à l'imam Az-Zuhri. Il est là. À l'imam Az-Zuhri, tu as deux rapporteurs. Wahed, il s'appelle Ibrahim ibn Sa'd. Wahed, il s'appelle Ma'mar. Les deux, ils sont connus pour rapporter à An Az-Zuhri. C'est deux de ses élèves. À l'imam Az-Zuhri, Ibrahim ibn Sa'd, il prétend que à l'imam Az-Zuhri, il rapporte le hadith à Amr, à Sa'd, son père, à Al-Nabi Aïssa al-Salam. T'as une chaîne de transmission. Elle est wadiha, en apparence elle est sahiha. C'est là que Cheikh Al-Albani a dit sahiha. Ma'mar, c'est un autre imam, il rapporte le même hadith à Az-Zuhri, à Al-Nabi Aïssa al-Salam. Alors, t'as les deux et t'as deux chaînes de transmission. T'es obligé de faire un tarjih entre les deux. لأن الزهري لا رابورتي أن حديث إما هذا إلى غيزون إما هذا إلى غيزون أستطى بقى الآن الشيخ الألماني عليه رحمة الله إلى نابا بغلي لكن ربما quand il a étudié هو il s'est focalisé sur la tabaqa d'avant et il a رد il a démontré que ceux qui disent ضعيف ils ont tort لعله il s'est arrêté هنا على كل حال الآن t'es obligé de connaître Ibrahim ibn Sa'd هذا c'est quoi son niveau par rapport à sa narration عن الزهري et t'es obligé de connaître Ma'mar حتى tu vois lequel il passe avant l'autre. نقرأ شيء من أقوال الأئمة sur la narration de Ma'mar عن الزهري هذا Ma'mar عن الزهري. On va voir les الأئمة qu'est-ce qu'ils disent. Est-ce que sa narration الآن quand il rapporte hadith عن الزهري est-ce que si quelqu'un le خالف est-ce qu'on garde son qawm? هذا الأئمة يمونتر مثل هذا يمونتر souvent مثلا الزهري il y a plusieurs personnes qui rapportent عنه souvent c'est l'imam c'est Ma'mar tu vas voir c'est beaucoup Ibrahim ibn Sa'd dans Bukhari tu trouves ce genre de narration tu vas trouver beaucoup Younus Younus ibn Zayd ou Younus ibn Yazid al-Ayli Ma'ruf tu vas trouver beaucoup l'imam Malik tu vas trouver l'imam Zuhri il a des grands élèves et ces élèves ils peuvent diverger entre eux واحد يدي الزهري لا دي ان اوتر دي زور الان tu regardes le niveau des élèves et tu vas voir que le hifz c'est pas pareil. Pour vous donner un exemple pour vous rapprocher de la مساله نحن on est tous des élèves de Cheikh Yahya مثلا واحد يدي Cheikh Yahya il a dit telle chose un autre vient il dit là Cheikh Yahya il a dit telle chose il y a un khilaf Cheikh Yahya il a dit une parole لكن il y a deux élèves les deux élèves on verra c'est lequel qui est le plus régulier c'est lequel qui a le plus de hifz c'est lequel qui est le plus sérieux c'est lequel avec ses qara'in tu pourras savoir tu fais passer le kalam de Fulan. Ah bon. Ah, kada huna. Al-an, Yahya ibn Ma'in, rahimahullah, yaqul, athbat al-nas fi al-Zuhri, Malik ibn Anas. La personne al-Zuhri, al-imam al-kabir, al-hafidh, la personne la plus confiance qui rapporte an al-Zuhri, c'est l'imam Malik, rahimahullah, al-imam. Qala, Malik ibn Anas, wa Ma'mar, wa Yunus. يحيى بن معين إلى السيتة معمر إلى با سيتة هذا إلى السيتة معمر إلى السيتة دوتر وقال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله يوما أصحاب الزهري نعم ذكر أو نعم ذكر يحيى بن سعيد القطان أصحاب الزهري إلى السيتة ceux qui ont pris la science de Zuhri et il a cité parmi eux قال فبدا بمالك il a commencé par l'imam Malik l'imam Malik c'est un des plus grands élèves de l'imam Zuhri قال ثم بسفيان ابن عيينة un autre imam قال ثم معمر le troisième il a cité معمر ثم يونس يونس بن يزيد. Vous avez remarqué que pour l'instant Yahya ibn Ma'in Yahya ibn Sa'id al-Qattan il cite souvent معمر en troisième position. Pour l'instant, ils n'ont pas cité Ibrahim. قال كذلك أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قال معمر ويونس عالمين بالزهري ومعمر أثبت في الزهري من ابن عيينة بل يحيى بن معين رحمه الله il fait passer معمر avant Sufyan. Pour l'instant, l'imam Malik, ils sont tous d'accord qu'ils passent avant. Lakin, certains disent Sufyan après l'imam Malik, d'autres disent Ma'mar. Ala kulli hal, ce qui nous intéresse ici, c'est que Ma'mar il est beaucoup plus cité que Ibrahim. Enfin, pour l'instant, Ma'mar il passe avant. Wa qala l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, ay an Ibrahim ibn Sa'd, hada, ay celui qui rapporte an al-Zuhri, qala. ثقة ساثقة سمع من الزهري والكبار قال ينفرد بأحاديث تحتمل له لكن ليس هو في الزهري بذاك الثبت. الإمام الذهبي رحمه الله الشيخ إبراهيم السعدي صادقة c'est une personne de confiance. لكن أحيانا il cite des choses عن الزهري que les autres ils n'ont pas cité. Et il montre que fi Zuhri, il y a des personnes qui maîtrisent mieux le hadith de l'imam Zuhri que nous. Parmi eux, on a vu, nous, Ma'mar. Parmi eux, Ma'mar, l'imam Malik, Soufiane, Younous. قال الحافظ صالح بن محمد كذلك قال سمعه من الزهري ليس بذاك أي إبراهيم il est pas aussi précis في الحفظ que les autres في الإمام الزهري. قال رحمه الله ليس بذاك لأنه كان صغيرا حين سمع من الزهري. ça c'est طيب زين فائدة أن إبراهيم بن سعد quand il étudie عند الإمام الزهري il était petit. لا شك أن الأنفو وربما certaines choses il a oublié, ربما certaines choses il a c'est pas comme Ma'mar والإمام مالك وسفيان tout cela c'était des adultes ils ont maîtrisé أكثر. avec tout ça الآن حقيقة يا aucun doute أن رواية معمر elle passe avant Ibrahim ibn Sa'd. et أن les deux ils ont divergé par rapport à leur narration عن الإمام الزهري t'es obligé de voir c'est lequel qui passe avant l'autre. avec أقوال الأئمة qu'on a cité حقيقة on a اختصر la parole de معمر elle passe avant. فالحديث الآن t'as deux chaînes de transmission ou t'as une chaîne de transmission لكن il y a un خلاف إبراهيم بن سعد معمر بقى الزهري إبراهيم دي عن الزهري عن عامر عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقى صلى صحيحة. et c'est là que je vois la subtilité de ce ilm. لأن si on enlève معمر مثلا une personne il connaît pas cette طريقة. si tu prends cette طريقة elle est صحيحة. إبراهيم بن سعد il est في البخاري. il est في البخاري c'est un ثقة. tu vois ce chaîne de transmission tu dis صحيح. c'est ça que l'imam الألباني رحمه الله il a fait. il a fait ce chaîne de transmission il a dit صحيح. لكن أنت الآن بعد العلماء الأئمة مثلا ils prennent plus de temps il vient il étudie il trouve il y a une autre طريقة معمر معمر يدي عن الزهري الزهري يدي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل tu compares معمر avec إبراهيم بن سعد il n'y a aucun doute que معمر il passe avant. tu conclues الحديث il est مرسل et la illa elle est là le défaut du hadith il est là. إبراهيم بن سعد معمر إلى أحفظ إلى أرجح منه. لهذا la science du hadith c'est précis. et la science du hadith c'est pas فلان il a plus de علم que فلان. أي parmi les savants مثلا واحد يدي صحيح واحد يدي ضعيف. خلاص vu que c'est الإمام البخاري أو الإمام أحمد أو دون جوغ الإمام الألباني أو الإمام الواجعي ils ont un قول c'est forcément ils ont raison. لا لأن la science du hadith c'est des recherches. ربما un طالب العلم il trouve une recherche qu'un savant il a pas trouvé. نحن أحيانا الشيخ يحيى حفظ الله إلى أن قول يدي حديث إلى صحيح الطالب العلمي يفين غشرش اليومان يا شيخ الشيخ إلا لي دفن طول موت بنا الدرس ثم على فا يدي نعم شو ديفو جلبي با في فلان إلا في الغشرش الصواب إلى معنا هكذا كذلك أبخي توسا on avait cité تذكرون أن certains savants certains imams ils ont dit أن الحديث إلي مرسل on avait dit هذا الحديث تعله بالإرسال الإمام أبو حاتم الرازي في العلل والإمام الدارقطني في العلل c'est cette طريقة et c'est eux qui ont le حق لأن أبو حاتم c'est des متقدمين ça c'est des personnes ils sont à l'époque de l'imam البخاري الدارقطني كذلك il dit الصواب c'est طريقة الإرسال لأن ils savent très bien que معمر il passe avant إبراهيم هذا فالصواب c'est قول هؤلاء الأئمة الإمام أبو حاتم والإمام الدارقطني ils ont fait passer طريقة الإرسال avant les autres et ils ont conclu أن الحديث للمرسل كذلك الإمام الكبير الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال لا أعرف له طرقا صحيحة لعل الشيخ بن باز il a étudié la chaîne de transmission et il s'est aperçu en al-hadith il est mursal c'est pour ça qu'il a dit ce hadith il n'a pas de tariq sahih c'est ça le qawl al-sawab amma qawl al-shaykh l'imam al-albani rahimahullah il dit le hadith il est sahih l'anna il a étudié le hadith certaines tabaqas et cette dernière tabaqa al-tabaqa c'est un niveau la'allahu man tabah laha rahimahullah fal qawl c'est celui qui a vu. Et celui qui démontre un fulan, il passe avant fulan. Fa qawl Cheikh Ibn Baz, il passe avant. Cheikh Yahya Hafidhahullah, il est à la qawl Cheikh Al-Albani. Tadkurun, qabl ayyam, ils lui ont posé la question. C'est nous qu'on lui avait posé, on lui avait écrit cette question. Cheikh Yahya, il a dit thabit. Hadith, il est thabit. Lakin, Allah a'lam al-sawab, al-hadith, il est mursal. Ou al-mursal, c'est un qism al-da'if. Wa la'alla, Cheikh Yahya Hafidhahullah, l'a ittala ala. على خلاف معمر أبي إبراهيم عن الزهري لعل صنابي شنجرة والله أعلم. تنبيه آخر في الكلمة on a vu la parole de Cheikh Salih al Cheikh حمده الله et il avait dit le hadith في مسلم تذكره on avait lu sa parole et Cheikh Salih قال وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا أكبه الله في النار ثم هنا في قوله وقال أيضا كما في صحيح مسلم حيثما مرض بقبر مشرك فبشروا بالنار الحديث اللي بقى صحيح مسلم هذا وهم الشيخ صالح حفظه الله إلى الست هذا سينغى أن الحديث اللي بقى صحيح مسلم ونالو الحديث اللي في ابن ماجه اللي في عند الطبراني اللي في عمل يوم والليلة اللي في المختارة للضياء المقدسي أما في صحيح مسلم لا هذا سوى وهم الحديث اللي في يعني حديث صحيح مسلم لكن اللي بقى بهذا الله حديث صحيح مسلم أبي وأبوك في النار أعرابي اللي بنود موضوع prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son père et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Abi wa abouk finnar. Thumma dans une autre riwaya le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à ce arabi quand tu passes devant la tombe d'un mushrik annonce lui annar bashirhu binnar. Lakin c'est pas fi sahih muslim. Amma ma yata'allaq bil bahth est-ce que ça change quelque chose sur le hukm fala لأن الحكم نحن dans la kalima on avait conclu أن الصحيح c'est que الكافر المعين si meurt il est في النار c'est ça صحيح c'est pas fondé que sur ce hadith là c'est que ce hadith il est قوي لو صح il est واضح لكن il nous reste tous les autres hadith tous les autres adillah qu'on a cité الحكم ne change pas الحكم ne change pas لكن من باب الإنصاف والبحث العلمي on est revenu sur هذا الكلام وهذا يضاف إلى الكلمة حقيقة سامبلون لكن سهل يضاف إلى الكلمة أبقى الكلمة وليس كلام الأصل ثم على فن الكلمة هذا التنبيه حتى celui qui écoute il sait أن حصل كذا وكذا هذا والله تعالى أعلم مع تحية دماج afair.com